les fenêtres. Là, du triste hôpital, et de l'encens fétide, qui monte à la blancheur banale des rideaux, vers le grand crucifix ennuyé du mur vide, le moribond sournois y redresse un vieux dos, se traîne et va, moins pour chauffer sa pourriture que pour voir du soleil sur les pierres coller les poils blancs et les os de la maigre figure aux fenêtres qu'un beau rayon clair veut aller. Et la bouche, fiévreuse et d'azur bleu vorace, telle jeune, elle l'a respiré son trésor, une peau virginale et de jadis, encrasse d'un long baiser amer les tièdes carreaux d'or. Ivre, il vit, oubliant l'horreur des saintes huiles, les tisanes, l'horloge et le lit infligé, la toux. Et quand le soir saigne parmi les tuiles, son œil, à l'horizon, de lumière gorgée, voit des galères d'or, belles comme des cygnes, sur un fleuve de pourpre et de parfum, dormir, en berçant les clairs fauves et riches de leurs lignes, dans un grand nonchaloir, chargé de souvenirs. Ainsi, pris du dégoût de l'homme à l'âme dure, vautré dans le bonheur, où ses seuls appétits mangent, et qui s'entête à chercher cette ordure pour l'offrir à la femme allaitant ses petits, je fuis et je m'accroche à toutes les croisées d'où l'on tourne l'épaule à la vie, et, béni, dans leur verre, lavé d'éternelles rosées, que d'or le matin chasse de l'infini, je me mire et me vois ange, et je meurs, et j'aime que la vitre soit l'art, soit la mysticité, à renaître, portant mon rêve en diadème, au ciel antérieur où fleurit la beauté. Mais, hélas, ici-bas et maître, sa hantise vient m'écœurer parfois jusqu'en cet abri sûr, et le vomissement impur de la bêtise me force à me boucher le nez devant l'azur. Est-il moyen, au moins qui connais l'amertume, d'enfoncer le cristal par le monstre insulté et de m'enfuir, avec mes deux ailes sans plumes, au risque de tomber pendant l'éternité ?